L'islamisme, d'après le Coran par Monsieur Garcin de Tassy. Chapitre 23. Du paradis. Le paradis est le séjour préparé aux justes, à ceux qui font l'aumône dans la prospérité et dans l'adversité, et qui, maîtres des mouvements de leur colère, savent pardonner à leurs semblables. 3, 127. Dieu appelle les humains au séjour de la paix, et conduit ceux qu'il veut dans les voies du salut. Une récompense magnifique sera le partage des bienfaisants. La noirceur et la honte ne voileront point leur front, ils habiteront éternellement le séjour des célestes voluptés. 10, 36, 37. Ceux qui ont eu la crainte du Seigneur seront sauvés, ils posséderont le séjour du bonheur. Le mal et la peine n'approcheront point d'eux. 39, 62. Annonce à ceux qui croient et qui font le bien qu'ils habiteront des jardins où coulent des fleuves. Là ils trouveront des femmes purifiées, Houri. Ce séjour sera leur demeure éternelle. Dieu ne rougit pas de te déclarer ceci en parabole. Les croyants savent que sa parole est la vérité. Mais les infidèles disent, pourquoi le Seigneur propose-t-il de semblables allégories? 2, 23, 24. Note. Il est évident par là que ces plaisirs sont allégoriques, et on en trouvera des preuves dans mon ouvrage intitulé, La poésie philosophique et religieuse chez les Persans. Toutefois, cette peinture du ciel est une des choses que les chrétiens reprochent le plus à Mahomet, et qui fait le plus souvent l'objet de vives attaques dans la chair de vérité. Et cependant, une secte chrétienne, celle de la Nouvelle Jérusalem, enseigne, d'après Swedenborg, son apôtre, que les humains seront dans le ciel, mâles et femelles. Qu'ils y contracteront des mariages et jouiront des plaisirs sensuels. Cette doctrine, diamétralement opposée à celle de l'Évangile est bien plus expresse que celle de Mahomet, et cependant elle appartient à des gens qui prennent le titre de chrétiens. Fin de la note. Vois comme nous nous avons établi des degrés parmi les hommes. Dans la vie future, les rangs seront bien plus distincts, bien plus glorieux, 17, 22. Les récompenses seront proportionnées au mérite, 6, 132. Les croyants qui s'arracheront du sein de leur famille, pour se ranger sous les étendards de Dieu, sacrifiant leurs biens et leur vie, auront les places les plus honorables dans le royaume des cieux. Ils jouiront de la félicité suprême. Dieu leur promet sa miséricorde, ils seront l'objet de ses complaisances, et ils habiteront les jardins de délices où régnera la souveraine béatitude. Là ils goûteront d'éternels plaisirs, parce que les récompenses du Seigneur sont magnifiques. 9, 20 à 22. Ils seront les hôtes de Dieu, qui mieux que lui peut combler de bien les justes. 3, 195. La piété ouvrira les portes du ciel, 26, 90. Celui qui aura évité le feu et qui entrera dans le paradis goûtera la vraie félicité, 3, 181. Ô mes adorateurs, dans ce jour il n'y aura pour vous ni chagrin ni alarme. Les croyants qui auront professé l'islamisme seront à l'abri de leurs atteintes. On leur dira, entrez dans le séjour de la paix, vous et vos épouses, ouvrez vos cœurs à la joie. Le cœur trouvera dans ce lieu tout ce qu'il peut désirer, l'œil tout ce qui peut le charmer, et les plaisirs seront éternels. Voici le paradis dont vos œuvres vous ont procuré la possession, 43, 68 à 72. Rassasie-toi des plaisirs qui te sont offerts. Ils sont le prix du bien que tu as fait sur la terre, 69, 24. Les justes jouiront des bienfaits éternels de Dieu. Dès l'aurore, Ils imploraient la miséricorde divine. Ils partageaient leurs richesses avec l'indigent qui sollicitait leur bienfaisance, et avec le pauvre que la honte retenait. 51, 15 et 19. L'homme pieux a fait le sacrifice de ses biens pour se rendre plus pur. Jamais il ne laissa un bienfait sans récompense. Plaire à Dieu était son unique désir. La possession du paradis fera son bonheur. 92, 18 à 21. Les justes ont accompli leurs vœux. Ils ont craint le jour qui répandra au loin le malheur. Ils ont distribué aux pauvres, à l'orphelin, aux captifs, une nourriture agréable. Nous vous nourrissons pour l'amour de Dieu, leur disait-il, nous ne vous demandons ni récompense, ni action de grâce. Nous pensons en tremblant au jour où la tristesse élèvera un nuage sur les visages. Leur piété a reçu sa récompense. Dieu les a délivrés des peines éternelles. Leur tête est ceinte d'un éclat radieux. La beauté et la joie brillent sur leur front. Les jardins de délices sont le prix de leur récompense. 76, 7 à 12. Que puis-je annoncer de plus agréable à ceux qui ont la piété? Que la bienveillance du Seigneur qui a l'œil ouvert sur ses serviteurs. Tel sera le partage de ceux qui disent, Seigneur, nous avons cru, pardonne-nous nos fautes, et délivre-nous de la peine du feu. De ceux qui ont été patients, véridiques, pieux, bienfaisants, et qui ont imploré la miséricorde divine, 3, 13 à 15. Les croyants vertueux reposeront dans le jardin des délices. Ils y publieront les louanges du Très-Haut. La paix soit avec vous, sera leur salutation mutuelle. Leurs prières finiront par ces mots, louange à Dieu, souverain des créatures, 10, 9 à 11. Nous ôterons l'envie de leur cœur. Ils auront les uns pour les autres une affection fraternelle, 15, 47. Ceux à qui le souverain bien est destiné verront éternellement leurs désirs comblés. Délivrés des horreurs de la crainte, ils seront reçus par les anges, qui leur diront, « Voilà l'heureux jour qui vous fut promis, 21, 102 à 104. » Les élus s'écrieront, « Louange à l'Éternel qui nous a introduits dans ce séjour. » Si sa lumière ne nous eût éclairés, nous n'aurions pas trouvé la route qui y conduit. Les promesses des prophètes se sont vérifiées, une voix fera entendre ces paroles, « Voilà le paradis, dont vos œuvres vous ont acquis l'héritage. » 7, 41. Les justes reposeront dans les jardins de délices, à l'ombre de la vérité éternelle, sous les yeux du Roi Tout-Puissant. 54, 55. Dieu les fait boire dans la coupe du bonheur, 76, 21. La félicité dont ils jouissent est sans mélange, 37, 58. Ceux qui, dociles au commandement du Seigneur, n'enfreignent point son alliance, ceux qui craignent Dieu et le compte qu'ils auront à rendre, ceux que l'espoir de voir Dieu rend constant dans l'adversité, qui font la prière, qui donnent, en secret ou en public, une partie des biens que nous leur avons dispensés, et qui effacent leurs fautes par les bonnes œuvres, seront les hôtes du paradis. Ils seront introduits dans les jardins d'Éden, leurs pères, leurs épouses et leurs enfants, qui auront été justes, jouiront du même avantage. La paix soit avec vous, leur diront les anges, vous avez été patients, jouissez du bonheur qu'a mérité votre persévérance, 13, 23, 24. Le front des justes sera rayonnant de joie, le contentement de la vertu dilatera leur cœur, ils habiteront le paradis, les futilités seront bannies de ce séjour, 88, 9 à 12. La crainte et la douleur n'approcheront point des amis de Dieu, qui ont réuni la foi et la piété. Consolés dans ce monde par d'heureuses promesses, ils en verront l'accomplissement dans l'autre, ils jouiront de la félicité suprême. 10:63. L'amour du plaisir éblouit les mortels, les femmes, les enfants, les richesses, les chevaux superbes, les troupeaux, les campagnes, sont les objets de leurs ardents désirs. Telles sont les jouissances de la vie mondaine, mais l'asile que Dieu prépare est plus délicieux. 3:12. Celui qui demandera sa récompense dans ce monde la recevra. Celui qui désirera les biens de la vie éternelle les obtiendra. 3:138. Les biens terrestres sont passagers, les trésors du ciel sont plus précieux, plus durables. Dieu les destine aux croyants qui ont mis en lui leur confiance, à ceux qui évitent l'iniquité et le crime, et qui font taire leur colère pour pardonner, à ceux qui, soumis à Dieu, font la prière, règlent leurs actions par la prudence, et versent dans le sein de l'indigent une portion de leur richesse. 42:34-36. Que sont les biens terrestres en comparaison des plaisirs du ciel? 9:38. Vos jouissances sont passagères, celles que Dieu vous promet sont permanentes. Ceux qui auront souffert avec patience recevront une récompense proportionnée aux biens qu'ils auront faits. Quiconque aura exercé la bienfaisance et professé la foi jouira d'une vie semée de plaisirs spirituels, et dans l'autre du prix de ses bonnes œuvres. 16:98-99. Chapitre 24. Prière. Nous t'adorons, Seigneur, et nous implorons ton assistance, dirige-nous dans le sentier de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, de ceux qui n'ont point mérité ta colère, et que tu as préservés de l'erreur. 1:4-7. Seigneur, pardonne aux croyants, ta miséricorde et la science embrassent l'univers. Pardonne à ceux qui ont fait pénitence et qui suivent tes lois saintes. Délivre-les du feu de l'enfer. Seigneur, introduis-les dans les jardins d'Éden, que tu leur as promis. Accorde le même bonheur à leur père, à leurs épouses et à leurs enfants qui auront été vertueux. Ta puissance et ta sagesse sont infinies, Seigneur, écarte d'eux les peines éternelles. Celui pour qui tu feras éclater ta miséricorde au jour du jugement jouira du plus grand des bienfaits. 40:7-9. Seigneur, nous avons entendu la voix de ton prophète qui nous appelait à la foi et qui criait, croyez en Dieu, et nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos fautes, lave-nous de nos péchés, et fais que nous mourions dans la voie des justes. Seigneur, ne nous couvre pas d'opprobre au jour de la résurrection. 3:188-190. Seigneur, ne permets pas que nos cœurs s'écartent de la vérité, après que tu nous as éclairés. Ouvre-nous les trésors de ta miséricorde. Tu es la libéralité même. Seigneur, tu rassembleras un jour le genre humain devant ton tribunal. Nous ne saurions douter de cette vérité, car tu ne manqueras point à tes promesses. 3:6-7. Seigneur, nous avons écouté ta voix, et nous t'avons obéi. Nous implorons ta clémence. Nous reviendrons tous à toi au jour de la résurrection. 2:284. Seigneur, ne nous punis pas pour des fautes commises par oubli. Pardonne-nous nos péchés. Ne nous impose pas le fardeau comporté nos pères. Ne nous charge pas au-dessus de nos forces. Fais éclater pour tes serviteurs le pardon et l'indulgence, et compassion de nous. Tu es notre patron. Aide-nous contre les nations infidèles. 2, 285. Ô Dieu, roi suprême, tu donnes et ôtes à ton gré les diadèmes, tu élèves et tu abaisses les humains à ta volonté, tu es le Tout-Puissant, tu changes la nuit en jour, et le jour en nuit, tu fais sortir la vie du sein de la mort, et la mort du sein de la vie. Tu verses tes trésors infinis sur ceux qu'il te plaît, 3, 25, 26. Seigneur, pardonne-nous, aie compassion de nous, ta miséricorde est sans borne, 23, 119. Architecte des cieux et de la terre, tu es mon appui dans ce monde et dans l'autre. Fais que je meure fidèle à la foi, introduis-moi dans l'assemblée des justes, 12, 102. Markem Dan Archivorg 2021 d'après Gallica BNF FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.